Dans un comté lointain, au nord du 42e parallèle, un groupe de guerriers fraîchement assemblés se prépare pour le moment de vérité. Afin de venger des siècles de malheur, des mesures draconiennes ont été effectuées pour ramener la fierté. Menés tactiquement par leur nouveau maître Octave et leur sauveur Alphonse, les Canadiens partent à la conquête de la Coupe d'Or! La coupe d'or sur la transversale spéciale sur la coupe d'or sur la transversale spéciale sur la coupe d'or. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale spéciale sur la Coupe d'Or. Et pour parler de cette merveilleuse aventure qui débute la semaine prochaine pour la phase de élimination, Mathias Vanasse. Mathias, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va, oui. Pour commencer, Mathias, vraiment, vous pouvez suivre Mathias sur Twitter et partout à Coufran MLS. Mathias est responsable du contenu francophone sur MLSsoccer.com. Mathias, quand on regarde la phase de groupe du Canada, qui s'est terminée hier soir par un surprenant 0-0 contre le Honduras, ça fait du bien, je dois te dire. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Les résultats, mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris du Canada? Bon, en fait, ce qui m'a surpris du Canada dans ce premier tour de la Gold Cup, c'est en fait l'effectif choisi par Octavio Zambrano, qui arrive bien à faire tourner son équipe sans que ça ait des conséquences négatives. C'est un effectif rajeuni. On voit qu'il y a un nouveau départ avec quand même à côté certaines valeurs sûres, certains joueurs d'expérience comme Bernier. Et il y a ça. Et parallèlement, en même temps, il profite quand même un petit peu du travail de son prédécesseur, parce que par exemple, un Samuel Piette, et d'autres ont l'expérience en plus et là ils peuvent devenir des joueurs importants de cette équipe-là, et la mayonnaise, la sauce, elle prend assez rapidement. Les résultats, je suis surpris et pas surpris, parce que tout le monde est surpris par les résultats, mais moi peut-être pas forcément en fait. Non, et c'est la Coupe d'Or, la Gold Cup, qu'on appelle la Baby Gold Cup dans le jargon, c'est la Coupe d'Or qui a pas de billets pour la Coupe des Confédérations. Donc, il y a certaines équipes B, même C, dans certains cas, quand on regarde celle du Mexique, surtout. Donc, c'est toujours un tournoi qui est un petit peu plus ouvert. Puis, de là à dire ouvert, peut-être ouvert pour le Canada, on n'est pas encore rendu là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais après trois matchs, mais surtout après les deux premiers matchs, la révélation pour le Canada, c'est Alphonso Davies. Alphonse, c'est très incroyable quand on pense qu'à deux mois, on ne répondait pas à nos questions en disant « Oh, je pense que c'est encore 3-4 ans avant qu'Alphonso Davies puisse être éligible pour le Canada. » Du jour au lendemain, ils ont réussi à faire les papiers, à faire tout ce qui était la paperasse. Alphonso Davies, Canadien, débute à Montréal, Curaçao sur un match amical. Premier vrai match, deux buts, suivi d'une autre performance d'un but. Est-ce que tu t'as déjà imaginé un joueur canadien de 16 ans être capable de déjà être à moitié chemin du record du plus grand nombre de buts canadiens dans la Gold Cup? Non, honnêtement, c'est vrai que c'est un phénomène et il se montre, il se met en avant et c'est intéressant pour lui parce que c'est là qu'il va être vu, peut-être plus qu'en MLS et tant mieux pour lui d'ailleurs parce que tout le monde s'excite avec Alphonso Davies. Faut pas oublier qu'en MLS, il a encore aucun but, aucune passe décisive, alors qu'à la Gold Cup, il éclate les écrans. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que ses buts qui font parler de lui, parce que notamment lors du match contre le Costa Rica, il s'est mis en valeur à de nombreuses autres reprises, parce que bon, on peut se dire, ah tiens, là comme tu dis, là il est à mi-chemin, évidemment c'est ça qui attire le regard, mais après quand on veut le suivre de plus près, on va se dire, ok, il a 16 ans, on va être un peu tolérant avec lui, mais il ne faut pas qu'il fasse juste marquer des buts, parce que ça doit être un joueur qui montre plus que ça, et ce plus que ça, il le montre aussi, et ça c'est très intéressant. Non, il y a un contenu canadien très important, évidemment, c'est l'équipe canadienne, mais je veux dire, un contenu montréalais aussi avec l'équipe canadienne, on a mentionné Patrice Bernier, Maxime Crépeau, qui a eu un temps de jeu inespéré lors du premier match, lors d'une blessure de Milan Borjan, et Anthony Jackson-Amel, qui a aussi bien performé lors du premier match surtout. Est-ce que la délégation montréalaise, est-ce que tu sais à quoi tu t'attendais, Mathias? C'est quelque chose de surprenant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une délégation récemment montréalaise ou québécoise à la Gold Cup. Est-ce que c'était un peu les résultats et les performances auxquelles tu t'attendais? Ouais, il y a eu une Gold Cup où il y a eu, je pense, 6 ou 7 joueurs de l'Impact quand ils étaient en D2. C'était en 2007, si je ne me trompe pas. Et la dernière fois qu'ils sont rendus en semi-finale, donc c'était peut-être une bonne raison, c'est ça. Oui, et là, mais en fait, en plus, c'est un contenu montréalais, on va dire, qui est divisé en deux. Parce que d'un côté, on a Patrice Bernier, le joueur d'expérience qui doit apporter son expérience au groupe en plus de performances sur le terrain. Et quand il est sur le terrain, ça s'est bien passé pour lui. Et de l'autre côté, il y a des jeunes. Et les deux jeunes aussi sont dans des situations tout à fait différentes. Un, Maxime Crépeau, qui est clairement derrière Milan Borjan, et on a encore vu lors des deux derniers matchs pourquoi, parce que c'est pas Crépeau qui est mauvais, c'est surtout Borjan qui est très bon avec l'équipe nationale, et déjà lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il était excellent, donc il est indélogeable, et les minutes que Crépeau a eues, j'étais super content pour lui, parce que c'est des minutes importantes, c'est d'expérience lors d'un grand tournoi avec l'équipe nationale A, ça va lui servir. Faut pas oublier qu'il reste sur un très très bon match avec l'Impact à Toronto, et donc il faut qu'il continue sur cet élan pour que quand ils reviennent à Montréal, ils disent « Moi, j'ai fait le pas en avant là qu'on attendait de moi » et qu'au lieu d'être officiellement deuxième gardien, qu'ils se disent « Non, non, là, je suis candidat à prendre la place de Bush et je veux être son concurrent. » Et donc, ce temps de jeu, c'est une bonne chose pour lui. Il apprend, il est dans un autre contexte, tout est bon pour lui. À côté de ça, il y a Anthony Jackson-Hamel qui, lui, n'est pas là avec la garantie d'être sur le banc. Il peut être titulaire. On a vu quand il était monté au jeu à Montréal contre Curaçao, il a été très bon, il a été meilleur que Larine avant lui, et Larine n'est pas là. Alors maintenant, c'est Cavallini qui a la place de numéro 1. On dirait qu'Octavio Zambrano l'aime beaucoup. Le match que Jackson Hamel a commencé, ça n'a pas été un match extraordinaire, mais ce n'était pas le match le plus facile non plus pour lui. Et je pense que de nouveau, cette expérience lui a été utile, ça a servi. Et c'est un peu quelque chose qu'on peut beaucoup retirer de cette Gold Cup pour beaucoup de joueurs canadiens, que ce soit Marc-Anthony Caille, Anthony Jackson-Hamel, d'autres jeunes. C'est de l'expérience qu'ils accumulent parce que la grande échéance, ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est seulement le début de l'aventure. Ce que j'aime surtout avec cette édition de l'équipe canadienne de la Gold Cup, c'est qu'on peut voir des joueurs qu'on ne s'attendait pas. Tu as mentionné Marc-Anthony Caille qui joue pour le City à la USA, un ancien joueur du TFC Academy, TFC 2 aussi en USL, qui a décidé de prendre son sac, d'aller essayer son petit bout de chemin ailleurs et a été trouver le succès à Louisville. Donc, il réussit à trouver un succès jusqu'à l'équipe nationale, même jusqu'à un joueur de rôle, qui avait un rôle à jouer lors de peut-être le rôle un peu sale, mais qui avait joué. Parlant de rôle sale, Samuel Piette, un joueur qu'on n'a pas nécessairement la chance de voir jouer très souvent, parce que d'habitude, il joue en deuxième, troisième division en Espagne ou en Allemagne, et c'est des places qu'on n'a pas nécessairement accès facilement pour voir les matchs, ou légalement pour voir les matchs. Samuel Piette a créé une certaine engouement présentement à Montréal. Plusieurs partisans pensent que c'est le joueur que l'Impact devrait se tourner durant ce transfert, d'aller le chercher, et c'est quelque chose qui serait dans le domaine du possible. Est-ce que Samuel Piette est peut-être un baume sur les plaies de l'Impact en Ligue maintenant? Un boom sur les plaies de l'Impact, non, parce que ce n'est pas forcément ce type de joueur-là que l'Impact a besoin. Il est hyper équipé en milieu de terrain. Alors maintenant, si l'Impact va tirer Samuel Piette, a priori, j'ai rien contre, mais il faut qu'il fasse le ménage. Il ne faut pas dire « Ah, on va aller chercher Piette ». Quand l'Impact a été cherché à Rigi, tout le monde a dit « Oh, encore un milieu de terrain à vocation défensive ». Mais on en a déjà beaucoup. Puis quand Arrigui est parti, il est parti. De toute façon, on n'en avait pas besoin. Donc si on n'en avait pas besoin d'un, pourquoi on en aurait besoin d'un autre ? Donc c'est clair qu'il faut faire des choix à un moment donné, et il y a peut-être des positions où il y aurait plus de besoins du côté de l'Impact, et aussi des types de joueurs dont il y aurait plus besoin. Mais peut-être que Piette, dans un premier temps, pourrait entrer dans cette catégorie de joueurs qui ne seraient peut-être pas forcément titulaires, pas forcément remplaçants, quoique vu ce qu'il montre en équipe nationale, tu es international canadien, tu es un de ceux qui jouent plus en équipe nationale. Donc, tu n'as pas envie d'être sur le banc, tu as envie de continuer, tu as envie de progresser pour continuer ta carrière avec l'équipe nationale. Donc, lui, peut-être qu'il voudrait des garanties dans son prochain club aussi. On a parlé des joueurs québécois, mais un joueur qui a vraiment attiré mon attention avec l'équipe canadienne durant ses trois premiers matchs, qui pourrait même être considéré la colonne vertébrale littérale de l'équipe canadienne, Scott Arfield. Au milieu, il y a une performance souvent... pas de but, pas de points, c'est pas une performance sur le tableau indicatif, mais c'est vraiment une performance sur le terrain qui contrôle, sauver des buts, créer des buts. Scholarfield est nouvellement canadien aussi, donc fait partie de cette nouvelle, pas seulement la nouvelle génération, mais cette nouvelle quote-unquote batch de players qui sont éligibles avec l'équipe canadienne. Mathias, est-ce que Scott Arfield est un cadeau que l'Écosse a fait au Canada? Ben, je ne sais pas si c'est un cadeau dans la mesure où je ne sais pas si l'Écosse en aurait eu vraiment l'utilité. Mais en tout cas, ce joueur-là, moi aussi, m'impressionne beaucoup, honnêtement, pendant la Gold Cup. Il fait partie des joueurs importants de l'équipe. Et tout à l'heure, je disais, c'est bien parce que Octavio Zambrano peut faire tourner son effectif sans que ça se voit trop. Malgré tout, surtout pour le long terme, il faut quand même des joueurs qui sont, comme tu le dis, la colonne vertébrale de cette équipe-là. Il faut une base avec laquelle travailler, certains incontournables, peut-être pas 11 au début forcément, mais peut-être pour en arriver là à un moment donné. Et Arfield, il a directement pris cette place-là dans l'équipe. Ses prestations sont très bonnes. Il y a des attentes envers lui, vu le niveau où il joue. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui jouent à ce niveau-là en ce moment. Il y en a beaucoup moins que par le passé. Ça, c'est un autre problème. Et là, il répond aux attentes. Donc, ça, c'est très bien. Il le fait directement, que ce soit individuellement ou collectivement. Et donc, je pense que tout le monde doit se réjouir de ça. Quand on regarde les possibilités maintenant pour le Canada, c'est peut-être la Jamaïque, c'est peut-être l'équipe qui a le plus grand pourcentage d'être les adversaires de l'impact, c'est méchant lapsus, du Canada en quart de finale. Mathias, est-ce qu'il y a une possibilité, si c'est une équipe comme la Jamaïque, que même le Canada pourrait pousser cette Gold Cup jusqu'en demi-finale? On en a parlé au début, de demi-finaliste, ça fait depuis 2007, dernière fois que le Canada a été en demi-finale de la Gold Cup, donc 7 ans. 7 ans de malheur, 7 ans de misère. Je suis pas mal sûr que quelqu'un qui a brisé un miroir en 2007 à quelque part avec l'équipe nationale. Ça, 10 ça... ans! Ouais, mais oui, on est rendu à 10 ans même, c'est vrai, on est rendu à 10 ans. J'ai manqué 3 ans quelque part. Mais Mathias, c'est quoi le plafond? C'est quoi le plafond de l'équipe canadienne? Est-ce qu'une demi-finale est envisageable avec la possibilité peut-être d'avoir la Jamaïque encore? Oui, parce que bon, la Jamaïque, c'est une équipe prenable. On connaît quelques joueurs du côté de Montréal. un qui y a joué. Il a joué, est un grand mot, c'est notre ami Romario Williams. Et un autre qui n'y a pas joué, mais qu'on a beaucoup suivi lors de avant la première saison de l'Impact, puisque c'était le premier choix du Super Draft, lui ou Andrew Wenger, c'est Darren Mattox. Et c'est donc deux joueurs qui n'ont pas été des foudres de guerre quoi, en MLS. Donc on connaît, on sait un petit peu ce que vaut la Jamaïque. Et oui, c'est une équipe qui est prenable pour le Canada, qui est à peu près, je dirais, du même niveau dans l'absolu. L'avantage que la Jamaïque a peut-être, c'est que certains joueurs sont plus habitués de jouer ensemble. Reste qu'on voit, et je citais encore un Montréalais, un néo-Montréalais cette fois-ci, c'est Sean Francis qui est dans l'équipe et qui n'est pas appelé souvent. Il est appelé surtout quand il y a beaucoup d'absents et c'est le cas lors de cette Gold Cup. Donc, ce n'est pas la Jamaïque la plus forte non plus, et ce n'est pas le Canada le plus fort non plus, pour des raisons différentes, parce que l'équipe est en pleine reconstruction et son premier tournoi avec son nouvel entraîneur. Donc, j'évaluerai les chances à 50-50 en Canada-Jamaïque. Oui. Mentionné nouvel entraîneur, Octavio Zambrano, premier tournoi compétitif avec l'équipe nationale senior, invaincu encore après 3 matchs. Mais surtout, ce qui a retenu l'attention, c'est l'attitude, c'est la confiance que Zambrano a déjà réussi à insuffler à ses joueurs. Ses joueurs ont grandi d'environ 10 cm, ont une confiance avec le ballon que j'ai pas vu depuis, moi, depuis que je suis l'équipe, jamais. Puis qu'on n'a sûrement pas vu depuis jamais avec le Canada. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné depuis que Zambrano coach le Canada? Pour revenir sur ta remarque sur la confiance, je me souviens du temps de Frankie Allop, on voyait le Canada qui jouait très en confiance aussi. Et Frankie Allop, il faut quand même souligner son rôle pour le Canada. Tantôt, tu parlais justement de Scott Arfield, la naturalisation et les joueurs, pas la naturalisation, mais les nationalités des joueurs qui choisissent de jouer pour le Canada. Et jusqu'à la période, en fait, avant Frankie Allop, il y avait un énorme problème côté canadien, c'était que les joueurs qui étaient en Europe ou qui étaient loin, c'était loin voyager, ils ne voulaient pas trouver Frankie Allop. Il en a convaincu quelques-uns de faire l'effort de venir au Canada. Et à cette époque-là, c'était un petit peu ça, la confiance. C'était on a envie de jouer pour le Canada. Et le Canada avait de nouveau des joueurs qui avaient envie de jouer pour l'équipe nationale. Et ça a insufflé une autre sorte de confiance, mais c'était aussi une grande confiance. Et là, comme tu le dis, on voit les joueurs qui sont en confiance sur le terrain. Je pense qu'on est en train de tourner une page aussi du côté canadien. C'est une nouvelle génération. C'est eux qui doivent marquer leur territoire. Puis on a entendu Samuel Piette récemment dire « J'étais très honoré de jouer avec des gars comme Atiba Hutchinson et d'autres vedettes de l'équipe. » Mais maintenant, c'est nous, c'est notre génération qui doit prendre cette équipe-là en main. Et on voit qu'ils veulent le faire tout de suite, ces joueurs-là. Ils veulent directement imposer leurs pattes, imposer leurs griffes. Faut dire qu'ils débarquent pas de zéro non plus. Piette, c'est le meilleur exemple. Hein. On dit Zambrano a fait quelque chose. Faut pas oublier qu'il profite quand même pas mal du travail de son prédécesseur, parce que pendant les 4 ans qui viennent de s'écouler, bah, justement, les jeunes comme Piette et autres ont eu du temps pour s'aguerrir à l'équipe nationale. Et pour arriver, et honnêtement, la génération qui vient de passer, malheureusement pour elle, je ne vais pas dire que c'était une génération sacrifiée, mais en tout cas, les 4 ans qui viennent de passer, c'était très difficile. Je me souviens de John Limiatis qui nous disait à coup franc, après l'élimination, après le massacre au Honduras où le Canada avait encaissé ses buts, il dit les 4 prochaines années, vous pouvez oublier ça. Et finalement, il ne faut pas oublier que le Canada, et je vais revenir à quelque chose qu'on disait en début d'émission avec les résultats. Le Canada, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, n'a fini qu'à un seul point du Honduras à la troisième place du groupe, en gagnant au Canada contre le Honduras. Donc, quand on dit oh, c'est surprenant le Canada qui fait match nul contre le Honduras, mais le Canada a battu le Honduras il n'y a pas longtemps dans un match compétitif avec les deux équipes à leur meilleur. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a quand même certaines bases qui sont là, et le fruit était très, très, très, très loin d'être mûr. Et là, le fruit commence à mûrir et Zambrano arrose d'autres parties de l'arbre qui ont besoin d'être arrosées. Pour terminer, Mathias, aujourd'hui, la Gold Cup en général, si on regarde les performances de certaines équipes, il y a certaines surprises, certaines déceptions. Mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou qu'est-ce que tu as le plus apprécié de cette Gold Cup jusqu'à présent? Présentement, il y a les États-Unis qui se comptent le Nicaragua, mais qu'est-ce qui t'a le plus impressionné jusqu'à la fin du groupe C jusqu'à présentement? Mais c'est en fait deux questions très différentes, parce que ce qui m'a le plus surpris, évidemment, c'est toute l'histoire autour de Florent Malouda et de la Guyane. Et de... oui, je t'entends rire, et c'est un peu un vaudeville typique de la CONCACAF. Le joueur ne peut pas jouer, mais il peut être sélectionné, et puis c'est seulement quand il joue. Enfin, je pense que ceux qui ont suivi, je ne vais pas tout répéter, ceux qui n'ont pas suivi, l'histoire est tellement longue qu'on va faire une émission de 2 heures. ce qui m'a le plus impressionné, ben, je dirais que pour le moment, c'est quand même le Canada, la bonne surprise de cette compétition. Et en dehors de ça, la Martinique aussi. J'ai bien aimé ce que la Martinique a montré. Un bon match contre les États-Unis, ils étaient menés, ils reviennent, ils passent proche de l'égalisation. Ben, ils égalisent et puis les États-Unis reprennent l'avantage, ils passent proche de réégaliser, de prendre un point contre les États-Unis qui s'y attendaient vraiment pas. Et c'était très très intéressant. La Martinique qui bat le Nicaragua c'est une des équipes les plus faibles de la compétition, je suis tout à fait d'accord, mais bon, la Martinique c'est une petite île. Puis avant ils disaient bon, de toute façon on n'est pas plus fort qu'eux, hein. nous on va faire de notre mieux, on verra bien, puis bah, leur mieux c'était bien, donc cette équipe martiniquaise était assez rafraîchissante. Donc finalement c'est un département, un territoire français qui ne sont pas des membres de la FIFA qui ont fait des hauts et des bas surprenants de ce premier tour. Mathias, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. On va prendre une petite pause, on va réécouter l'intégrale de Sur la transversale, Coupe d'or. Dans un comté lointain, au nord du 42e parallèle, un groupe de guerriers fraîchement assemblés se prépare pour le moment de vérité. Afin de venger des siècles de malheur, des mesures draconiennes ont été effectuées pour ramener la fierté. Menés tactiquement par leur nouveau maître Octave et leur sauveur Alphonse, les Canadiens partent à la conquête de la Coupe d'or! La Coupe d'or, sur la transversale, spéciale sur la Coupe d'or, sur la transversale, spéciale sur la Coupe d'or. Oh, la Coupe d'or! Oh, la Coupe d'or! Sur la transversale, spéciale sur la Coupe d'or. Et re-bienvenue à Sur la transversale, spéciale sur la Coupe d'or. Sur la Coupe, on est sur la Coupe. Canada, en quart de finale, probablement contre la Jamaïque. Surprenant? Oui. Non, comme Mathias disait aussi plus tôt. Il y a certains signes, certains progrès qu'il y avait. Avec Benito. Mais avec Zambrano, ça, ou Octavio, c'est très flagrant. Oui, il y a l'implication de Davies qui change la donne. Retour de Patrice Bernier aussi qui. Patrice Bernier et Scudderfield, ces deux joueurs au milieu, la colonne vertébrale de cette équipe, littéralement, oui, mais moralement aussi. Pas oublier Patrice Bernier et le co-chambreur de Alphonso Davies et la confiance, mais l'assurance qu'Alphonso Davies démontre à 16 ans. Il y a un petit pourcentage là-dedans qui est de Patrice Bernier qui l'aide à peut-être gérer certains moments différents. Mais Alphonso, il a 16 ans, puis c'est un cool kid. Il est laid back, comme on dirait. Il est relax. Tu y parles, il est gêné. Ses yeux s'allument quand tu y parles de PlayStation et de FIFA. Mais à part ça, il est super tranquille. C'est un bon petit gars. Puis c'est le fun de le voir éclore comme ça sur la scène canadienne, internationale même. Mais c'est quoi le plafond? Question que j'ai pas eu le temps de demander à Mathias, c'est quoi le plafond pour l'équipe canadienne dans cette Gold Cup? Je commence à y croire. Personne ne s'attendait à ce que le Canada gagne en 2000. Personne. Personne ne s'attendait à ce que l'équipe canadienne gagne v'là 17 ans. Est-ce que le Canada a une chance de gagner? Oui. Il y en a au moins une. Le Canada est encore. Le Canada n'est pas encore éliminé. Le Canada est encore le final. Le Canada a une chance d'aller plus loin. Les Canadiens partent à la conquête de la Coupe d'or, je te le dis. Ils ont entendu la première fois, là, ils sont sur le transversal. Peut-être pas cette année. On va gagner la Coupe encore une fois. Je répète, le Canada est une des trois nations seulement qui ont déjà gagné la Coupe dorée. Les États-Unis, évidemment, ou Mexique. C'est un ou l'autre. C'est soit les États-Unis, soit Mexique, année en année, de 2 ans. Puis là, c'est la petite coupe. T'sais. On est à la petite coupe parce que c'est l'année qu'on n'a pas de ticket pour aller à la Coupe des Confédérations. Donc, on n'a pas l'équipe A de chaque joueur, de chaque équipe. Mais certains joueurs qui reviennent. Si on pense à les États-Unis, qui vont sûrement avoir les services de Michael Bradley et de Josie Altidore, tout dépendant pour la phase d'élimination, phase éliminatoire, qui va débuter au fin de la semaine prochaine, jeudi, je crois. Mais Canada va peut-être pouvoir avoir les services de Kyle Aaron aussi. Kyle Aaron qui a été suspendu pour conduire en état d'ébriété. Il a recommencé à jouer pour son équipe Orlando il y a 2 semaines et est éligible maintenant aussi. C'était comme un petit peu ça, c'est une suspension ou sa pénitence qui a purgé de manquer la phase du groupe dans la Gold Cup. Et ça a bien tourné pour le Canada. Ça a donné de l'espace à d'autres joueurs, dont Alphonso Davies et d'autres et compagnie. Étaient Saint Ricketts et d'autres joueurs qui ont joué à cet endroit. Cavallini qui a bien joué aussi, qui était très... pas surprenant, parce qu'on l'a vu, il a eu ses phases aux dernières années avec l'équipe canadienne, il a fait des apparitions, mais il a disparu aussi, il a fait des certaines disparitions en étant joueur pour le Canada, autant que quand il ne jouait pas, parce qu'il n'était pas nécessairement disponible pour l'équipe nationale. Maintenant, nouvelle administration, nouvelle attitude, et c'est là que je vais en venir. Si vous n'avez pas vu les 3 matchs du Canada, si c'est la première fois que vous entendez parler, mais si vous découvrez la Gold Cup, si vous découvrez la Coupe d'or en écoutant cette émission, prenez le temps soit d'écouter un des 3 matchs qui a déjà eu lieu du Canada, ou d'écouter le prochain match du Canada. Parce que je vous le dis tout de suite, vous allez être surpris. Si vous avez encore les troubles post-traumatiques du fan canadien normal, qui est de évidemment toujours penser qu'on défend, puis on se fait scorer, puis on perd, ce qui est habituellement ce qui se passe. Jusqu'à tout récemment, cette semaine, c'est habituellement ce qui se passait. En tout cas, dans mon cas, ça fait environ 7 ans que je suis l'équipe nationale de très près, et c'est durant ces 7 ans, c'est les 7 ans de grande noirceur. C'est la grande noirceur. Et cette grande noirceur-là a été abolie, terminée, est partie avec la Gold Cup 2017. L'espoir est revenu. La fameuse lumière au bout du tunnel, elle s'appelle Alfonso Davies, elle s'appelle Kyle Larin, elle s'appelle peut-être un jour Balou Tabla. Balou? Jean-Yves Balou Tabla. Grosse décision qui s'en vient pour toi éventuellement. Canada ou Côte d'Ivoire. Mais tu pourrais faire partie de cette génération-là avec Alphonse, avec Kyle. Come on, on est trois, top, 4-3-3. Peut-être pas payé par tout. Come on, t'es pas game, Balou. T'es pas game. Hashtag t'es pas game, Balou, avec petit drapeau canadien. Mais si on regarde les possibilités, encore une fois, pour l'équipe canadienne en phase éliminatoire de la Gold Cup 2017. Je dis pas comment gagner, mais je dis qu'ils gagnent encore. Quand le final, Canada gagne. Qu'elle soit Jamaïque, Honduras, ça se pourra pas. Là. FH, by the way. En passant, hashtag FH. Vous savez de quoi je parle. Je me souviens. Je me souviens. Un moment donné, on va en scorer 8 contre vous autres. Puis on va essayer de faire 8-0. Parce que on est de même. Mais je dis que le Canada sera en demi-finale. Première fois depuis 2007. Puis rendu là, tout est possible. Parce que c'est ça la beauté de la CONCACAF. Il n'y en a pas gros. Mais une des beautés, des beautés de la CONCACAF, parce qu'il n'y a pas grand bonté non plus en CONCACAF, mais une des beautés de la CONCACAF, c'est qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça. Tu sors des groupes, t'es encore. Puis là, si tu as fait un beau groupe comme le Canadien, je parle bien français ce soir, ça va bien. Si tu as fait un beau groupe comme le Canada, invaincu, 2-0, une victoire, tu as gagné ton groupe, ou proche en tout cas. Je pense qu'ils ont gagné le groupe, pas mal sûr. On peut voir ça tout de suite. Allons voir. Le Canada, est-ce qu'il a gagné son groupe? Je suis sûr à pas mal 90%, mais allons voir. Le Canada n'a pas gagné le groupe, a fini deuxième, parce que le Costa Rica a gagné. Mais le Canada a fini deuxième avec 5 points. Probablement la Jamaïque. Puis, la Jamaïque sont prenables. Si c'est pas André Blake qui connaît un match de sa vie, comme ce qu'il a fait dans la phase de groupe en passant, ben le Canada a des chances. C'est sûr que Romario Williams et Darren Mattox, c'est pas nécessairement les deux plus gros superstars dans la CONCACAF. Romario Williams qui joue présentement pour le Charlton, le Battery Charlton. Dans la USL, Darren Mattox qui est avec Portland maintenant, anciennement des Whitecaps de Vancouver. Mais c'est quand même deux joueurs dangereux, mais c'est quand même deux joueurs que Patrice Bernier et compagnie, la portion MLS, bon, probablement Patrice Bernier, mais on est habitué de jouer contre. Puis Patrice Bernier, je pense que ça va bien aller. Je pense que pas juste Patrice Bernier, mais Piet, très impressionnant encore une fois. Il y a une volonté des partisans de l'Impact de Montréal de vouloir voir Samuel Piet avec l'Impact. Peut-être quelque chose d'intéressant. Il y a une certaine... Son nom, c'est le Pitbull. Le petit bulldog, le Pitbull. Tu le regardes jouer et c'est ce qui revient, c'est ce qui sort, c'est ce qui retient mon attention quand je le vois jouer. C'est pas une hargne genre violent, mais une hargne genre je vais aller sur le ballon ou je vais aller faire mon tacle. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième effort. Et malheureusement, avec le talent disponible pour l'équipe canadienne, pour avoir les résultats, c'est l'attitude qu'il faut avoir. C'est cette deuxième, troisième effort. Donc, quand je dis « ah », quand je dis « la hargne », c'est pas « c'est la hargne, genre « m'a l'avoir, m'a me rendre, m'a l'avoir », puis ça fait vraiment une différence. Donc, Samuel Piet, il y a une demande qui commence à être de plus en plus forte sur les médias sociaux aussi, de le voir avec l'Impact de Montréal. C'est la saison de transfert. Je pense qu'il est disponible aussi en prêt gratuit. Donc, peut-être une solution, pas seulement à des problèmes. C'est pas seulement là que l'Impact a des problèmes non plus, comme Mathias disait plus tôt, mais ça peut être une solution. Et Scott Arfield est vraiment le joueur qui a retenu mon attention le plus. Oui, la révélation Balou, 3 buts, son moment de gloire, le moment qui devient une star au Canada et mainstream, c'est ça. Mais le joueur le plus utile pour l'équipe canadienne, c'est Scott Arfield. Boîte à boîte, comme on dit en anglais, il est là. Défensivement, offensivement, créativement, réussit à placer ses coéquipiers sur le deuxième but de Davies lors du premier match. Premier but, c'était l'échappée. Deuxième but, c'était le magnifique centre. Et Arfield ne visait pas nécessairement Davies sur le jeu. Mais il plaçait le ballon dans une zone dangereuse avec un angle et une force. Donc, il n'y avait pas de joueur présent de l'autre équipe pour le prendre. Et c'est Alfonso qui était dessus. Il a marqué. One touch. Donc, Scott Arfield est probablement la raison pour le quoi. La raison pour le quoi le Canada est en quart de finale. Si je suis un directeur général de la Major League Soccer, si je suis le directeur technique, si je suis le négociateur ou un scout, Scott Arfield, non? Son jeu physique, il est en Premier League l'année passée avec Burnley. Là, Burnley est encore en Premier League, donc il y a ça de bon. Donc si on va voir s'il y a beaucoup de temps de jeu, mais un contrat de joueur désigné en MLS pour Scott Arfield, je pense que ça pourrait être une option peut-être pas sexy. Peut-être que joueur désigné, c'est un peu trop. Peut-être que c'est un joueur d'argent d'allocation ciblé ou général. Mais ça pourrait être une solution, Scott Arfield, pour plusieurs équipes. C'est un joueur que je verrais très bien avoir beaucoup de succès en Major League Soccer. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, Kevin Laramé, à commercial Kev Laramé. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, à commercial Kev Laramé. Il y a un pattern, à commercial Kev Laramé, pas mal partout. Vous pouvez entendre la version sur demande, la version balado-diffusion de l'émission sur iTunes, Stitcher, Feedburner, Pub et Player, partout où vous écoutez vos balados sur la transversale est maintenant disponible Google Play Store, iTunes Store et aussi sur le site internet sportspodcastingnetwork.com. Et comme à chaque fois, jusqu'à la prochaine fois, je suis Kevin Laramé et bon soccer!